Bonjour à toutes, bonjour à tous. La nature brûle, les espèces animales disparaissent, le climat se dérègle, les États du monde entier se réunissent chaque année depuis 23 ans maintenant, mais rien n'est fait, l'urgence ne nous atteint pas. Il faut dire, cette attitude de soin et de préservation à l'égard de la planète est récente. Très récente au regard des millénaires au cours desquels l'espèce humaine n'a cessé de faire évoluer sa conception de la nature. Car oui, et c'est souvent le cas, l'urgence, même quand elle est extrême, a besoin d'être comprise, définie, pour mieux entraîner l'action. Alors comment la conception que nous avons de la nature a-t-elle changé au fil des siècles? Quand la nature est-elle devenue un souci pour l'homme? Souvenez-vous, c'était il n'y a pas si longtemps, l'homme à moto s'identifiait à la nature la plus sauvage et rugissait de plaisir. Bonjour Anne Dalsuet. Bonjour Adèle. Vous êtes venue à moto? Oui, bien sûr. Oui, bah d'ailleurs, elle est garée en studio, vous avez bien raison. Mais alors, ces motards qui parcourent les États-Unis dans le film Easy Rider, ils sont emblématiques d'une certaine conception américaine de la nature, dont il faut à la fois préserver le caractère sauvage, mais autoriser sa traversée à l'aide de véhicules motorisés, n'est-ce pas? Oui, enfin, ce que ça dit aussi, c'est que la nature est le lieu de la liberté, et aussi de l'expérience, peut-être de la traversée aussi de ces paysages qui entrent en résonance avec ce que peuvent rechercher les hommes. Si j'ai bon souvenir, dans ce film, ils partent. Ce n'est pas une traversée qui se fait seule, mais c'est une traversée qui se fait comme ça. Enfin, c'est une bande de motards, donc bien sûr, ils sont au sein de la nature, mais ils continuent de faire société. Donc oui, ils sont nés pour être sauvages, pour retrouver peut-être l'esprit d'une sauvagerie qui parfois constitue plus un mythe finalement qu'une réalité. Car la nature est bien souvent l'objet d'une construction, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, Anne Dalsuet. Vous enseignez la philosophie au lycée Maurice Utriot dans le 93, dans le département 93, Seine-Saint-Denis, et vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Philosophie et écologie » qu'on trouve aux éditions Gallimard et qui est vraiment un trésor pour toutes les personnes qui s'intéresseraient aux enjeux philosophiques de l'écologie. C'est passionnant, on va retracer le chemin ensemble. D'ailleurs, il commence avec le caractère inaugural de la pensée américaine, d'où Easy Rider, parce qu'on va voir qu'à cette époque-là se passe beaucoup de choses dans la construction, dans la prise de conscience de ce que c'est que la nature. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on va retracer ensemble le fil de l'évolution de la conception de la nature, mais aujourd'hui, en fait, on agit un peu encore comme des pionniers vis-à-vis de la nature, comme si on pouvait puiser à l'infini et que c'était à nous de nous installer sur cette planète qui pourtant nous précédait? Alors on agit encore comme des pionniers si on entend par là qu'on peut exploiter sans fin, démesurément et parfois en étant dans des attitudes de déni, d'aveuglement, d'angle mort. Mais en même temps aussi des attitudes de pionniers en ce que les pionniers, quand ils sont, ils arrivent donc aux Amériques, enfin en Amérique, de fait ils peuvent rencontrer une nature hostile. Et peut-être que c'est précisément ce qu'on retrouve aussi en ce moment, c'est-à-dire l'idée que cette nature, de toute manière, si l'espèce humaine est en danger, peut-être que cette nature pourra nous survivre, qu'elle peut aussi, avec cette venue de l'Anthropocène, produire des effets climatiques, engendrer des réactions à l'interventionnisme humain qui peuvent être très violents. Elle peut être finalement, malgré l'essor de la science, malgré l'essor de la technique, parfois encore imprévisible, parfois encore menaçante. Donc oui, peut-être que dans cette mesure-là, nous sommes encore pionniers. Et en tout cas, nous sommes pionniers dans les réponses que nous avons à apporter écologiquement, et peut-être aussi dans les réponses éthiques, mais aussi politiques que nous avons à inventer, ces nouveaux vecteurs politiques qu'il va falloir façonner. De quand date le souci écologique ? Alors le souci écologique, peut-être que on en a certaines prémices quand même en Europe, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je pense. Enfin, j'ai l'impression quand même que chez Rousseau, parfois, c'est quelque chose qui peut apparaître. Mais c'est évident que le souci, l'inquiétude écologique apparaît très vivement dans cette philosophie ou littérature de la prairie américaine qu'on va connaître précisément avec Emerson et Thoreau. Enfin, qu'est-ce qu'il se passe aux États-Unis à ce moment-là ? Alors, donc on est au milieu du 19e siècle. On est au début, milieu, hein, c'est la première moitié du 19e siècle et on est encore peut-être en pleine conquête de l'Ouest. Enfin, on sait que la ruée vers l'or aura lieu en 48. On sait que les chemins de fer, enfin la grande liaison entre Saint-Paul et Seattle sera achevée en 1893. Donc c'est vraiment pendant tout ce siècle que on continue de conquérir la nature, hein, de conquérir en tout cas le territoire, l'espace, de peut-être repousser encore ses frontières, de prendre conscience du fait que cette nature est sauvage, mais que malgré tout, on peut la coloniser, l'exploiter, la maîtriser, la dominer. Donc c'est très ambivalent, c'est-à-dire qu'à la fois, on s'en rend comme maître et possesseur, et en même temps, parallèlement, oui, voilà ce qui pourrait faire écho à Descartes, et en même temps, ce qu'on mesure, en tout cas certains penseurs mesurent que cette société très progressiste, très moderniste, n'est pas sans présenter des dangers, en fait. Mais alors pourquoi commencer la réflexion que vous proposez sur la philosophie et l'écologie avec ces penseurs américains du début du 19e siècle, parce que si on lit l'histoire de la philosophie, depuis les pré-socratiques, avant même, la nature est prise comme un objet de pensée, peut-être pas forcément dans une optique de soins, mais quand même, il y a ce souci-là. Alors, c'est ce que vous rappeliez très justement dans votre introduction, la réflexion sur la nature, elle est très ancienne, puisqu'on la trouve déjà chez les pré-socratiques. Donc, dès Anaximandre, il est question de réfléchir sur la nature, bien évidemment, évidemment chez Parménide. L'enjeu, c'est peut-être de montrer, là encore, il y a une ambiguïté, enfin, qui sera peut-être prolongée tout au long de la philosophie de la nature, c'est que elle est à la fois mystérieuse, mais qu'en même temps, on va pouvoir produire un discours rationnel sur elle. Enfin, au départ, on écrit sur la nature par le poème, ce qu'on va retrouver d'ailleurs chez ces penseurs américains. Et puis, donc, on écrit par le poème, mais le logos peut aussi s'emparer de cet objet ou de c'est-à-dire le discours sujet, rationnel. Le discours rationnel. Et c'est ce que ne manquera pas de faire justement Aristote dans sa physis, sa physique. Il va opérer une bifurcation avant. On sacralisait, on disait le mystère de la nature, hein, chez ces penseurs pré-socratiques. Et avec Aristote, elle va devenir, cette nature, vraiment l'objet d'une étude, avec des causes immanentes, un fonctionnement propre à elle, puisqu'il réside au sein de la nature un finalisme, rien n'est là en vain, la nature poursuit des fins, donc on y voit aussi une harmonie, un agencement, et le travail de la pensée, ça va être justement de s'en emparer, de le dire, de l'expliquer. Voilà, on peut déjà dire que chez les Grecs, on pense bien évidemment la nature, et puis on pourrait dire qu'il y a une coupure qui s'opère avec la pensée de la modernité, c'est-à-dire qu'on va parfois se méfier de la nature, et on va lui préférer le terme matière, hein, c'est justement ce que dira Descartes. Donc, d'une certaine manière, il continue de penser la nature, mais on va préférer en parler à travers une autre terminologie, une terminologie qui est plus dualiste, hein, comme on le sait, qui oppose donc le principe de l'esprit au principe de la matière. Et l'enjeu, c'est sans doute à ce moment-là de commencer à vraiment expliquer la nature pour pouvoir agir sur elle et éventuellement l'améliorer. Donc il y a l'idée d'une intervention. Donc, alors, il faut clarifier. Donc, si on reprend le fil de ce que vous dites d'abord, la nature, elle est l'objet d'une forme de mythe, d'un poème. Hein, vous dites quelque chose qui est rationnel et qui l'altérité absolue par rapport à l'homme. Oui. Ensuite, Aristote fait cet effort de ressaisir rationnel cette nature, puisque si elle a des causes immanentes et une finalité, c'est donc qu'elle est en partie accessible à l'homme et qu'ils ont ceci en commun, l'homme et la nature, que d'avoir peut-être accès va correspondre à une logique, disons, rationnelle. Lorsque Descartes, au début de, enfin, ce qui va fonder la modernité, vient finalement désanimer la nature pour la rationaliser encore plus et l'identifier à une forme de matière, il opère ici un geste qui est essentiel et qu'on a souvent réduit à cette phrase mal comprise de Descartes, disant que l'homme devrait être comme maître et possesseur de la nature, comme si c'était une apologie de l'interventionnisme humain. Or, c'est pas le cas chez Descartes. Il est plus subtil que ça, n'est-ce pas? Il est plus subtil que ça, bien évidemment. D'ailleurs, ce comme le signale, si on veut. Comme maître et possesseur, oui. Oui, si on veut bien l'écouter, c'est-à-dire qu'il introduit une approximation, une distance. Une image, en tout cas. Une image aussi, et. Mais une image qui vraiment peut-être souligne qu'il y a là une ambition technique et médicale, que de fait on peut améliorer certains fonctionnements de la nature, mais de là à dire qu'on peut pleinement dominer son fonctionnement, ça n'est sans doute pas le cas. Et donc il y a déjà un principe de réserve qui est énoncé ici. Et donc si on revient à cette histoire de la nature comme objet, on se rend très vite compte qu'en fait c'est vraiment réfléchir sur la nature, c'est bien sûr essayer de s'approcher d'une réalité, peut-être ce qui deviendra un environnement plus tard dans les philosophies environnementales américaines, mais c'est déjà agir sur ces représentations de la nature qu'on a, c'est-à-dire essayer de les penser, de les modifier. Et c'est sans doute ce que vont faire ces Américains, enfin ces écrivains de la prairie, ces penseurs, donc ces philosophes américains, qui ne se revendiquent pas forcément d'ailleurs philosophes. Hein, certains regretteront même qu'il n'y ait pas parfois de philosophie, aux États-Unis, enfin en Amérique au moment où ils écrivent, c'est-à-dire que quand ils ont besoin de se référer à une philosophie, ils sont obligés de faire référence à la philosophie européenne. Emerson, le philosophe Ralph Waldo Emerson, donc au début du 19e siècle, la première moitié en tout cas, est celui qui va lancer face à ses étudiants à Harvard un appel à l'indépendance intellectuelle des Américains, en disant « mais arrêtez de regarder du côté de l'Europe, cessez de courtiser les muses de l'Europe, dit-il, et fondons une pensée qui soit proprement américaine, en regardant ce qu'il y a devant nous. » Emerson, vous le dites, voilà, est-ce qu'il est philosophe? Oui, il se revendique philosophe, il a été pasteur également, il vient d'une famille très religieuse, et il est également poète, en tout cas il a une écriture, un style qui est extrêmement poétique. Et s'il fallait le caractériser, on pourrait dire qu'il est une forme de peut-être de mystique romantique, mais un romantisme américain. On va entendre un texte tout de suite pour découvrir la plume d'Emerson, et vous nous direz ensuite comment ce texte-là, qui est tiré d'un ouvrage qui s'appelle Nature, enfin un court texte, 1836, est fondateur, selon vous, était vraiment un texte inaugural de la pensée écologiste. Dans les bois se trouve la jeunesse éternelle. Parmi ces plantations de Dieu règne la grandeur et le sacré. Une fête éternelle est apprêtée, et l'invité ne voit pas comment il pourrait s'en lasser en un millier d'années. Dans les bois, nous revenons à la raison et à la foi. Là, je sens que rien ne peut m'arriver dans la vie, ni disgrâce, ni calamité, mes yeux m'étant laissés, que la nature ne puisse réparer. Debout sur le sol nu, la tête baignée par l'air joyeux et soulevée dans l'espace infini, tous nos petits égoïsmes s'évanouissent. Je deviens une pupille transparente. Je ne suis rien. Je vois tout. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu. Le nom de l'ami le plus cher sonne alors comme étranger et fortuit. Être frère ou ami, maître ou serviteur apparaît comme un embarras et un détail sans valeur. Je suis l'amant de la beauté immortelle et sans entrave. Dans la nature sauvage, je trouve quelque chose de plus cher et de plus primordial que dans les rues ou dans les villages. À travers la tranquillité du paysage, et spécialement sur la ligne lointaine de l'horizon, l'homme contemple quelque chose d'aussi magnifique que sa propre nature. Je suis l'amant de la beauté immortelle et sans entrave. On dirait du Baudelaire, c'est du Ralph Waldo Emerson sur France Culture, les chemins de la philosophie, les 10h17, et c'est le premier temps d'une série d'émissions sur la philosophie de l'écologie jusqu'à jeudi. Et aujourd'hui, en compagnie de la philosophe Anne Dalsuet, l'auteur d'un texte intitulé « Philosophie et écologie » qui retrace l'histoire de l'écologie en philosophie en commençant avec la pensée américaine dont Ralph Waldo Emerson. Quel texte incroyable, Anne Dalsuet, très très beau, mais on se demande en le lisant, cette espèce d'identification entre l'homme et la nature est le miroir de l'homme, ce qu'il apporte de nouveau par rapport au texte romantique européen, contemporain par exemple, enfin contemporain de ce texte-là. Ce qu'il apporte de nouveau, alors Emerson bien sûr a lu les romantiques anglais, notamment Coleridge, il a lu semble-t-il aussi Schelling, donc Victor Cousin, le philosophe spiritualiste français, il ne nie pas sans doute ses influences qui ont dû le travailler aussi et l'aider à travailler. Mais bien sûr qu'il y a sans doute une rupture en ce que c'est une philosophie peut-être plus panthéiste. Et la différence peut-être avec le romantisme anglais, notamment le romantisme allemand, peut-être surtout, c'est que Dieu est présent au sein de la nature, il est bel et bien présent au sein de la nature. Alors que peut-être que dans la philosophie de Fichte, Schelling, il semblerait que Dieu soit présent au sein de la nature, mais à l'état de trace. Donc la nature est toujours une ruine, un vestige. L'esprit divin y est comme là, à l'état de trace. Ici, chez Emerson, peut-être que la rupture qui s'opère, c'est que il y a un panthéisme actif et donc Dieu est là au sein de la nature. Alors, vous rappeliez qu'Emerson était au départ de... Il fait partie des unitariens, puis il va y avoir une rupture avec Harvard et aussi avec ce courant. Et il va fonder son propre courant, le transcendantalisme. Au nom barbare, qui ne renseigne pas beaucoup sur ce qu'il signifie. Qui cite indirectement Kant et peut-être aussi plus indirectement les scolastiques, puisque... et transcendantal, ce sont les qualités qui désignent l'être. Et puis chez Kant, rappelons-le très brièvement, C'est une manière de réfléchir aux conditions de possibilité de la connaissance. Ce n'est pas tant réfléchir sur les qualités d'un objet, mais ce qui fait qu'on la connaît. Alors, on pourrait se dire, mais pourquoi reprendre pourquoi parler de transcendantalisme chez Emerson? Peut-être parce que il veut aller plus loin, justement. Donc, ce que reconnaîtra d'ailleurs Stanley Cavell quand il s'inspirera d'Emerson, il s'agit au sein de la nature, par peut-être cet esprit du transcendantalisme, d'aller plus loin, d'entrer en communication, en communion avec la nature, et donc en communication avec l'esprit du tout, l'esprit universel. Ce qui, en universel. Soi, est l'inverse de ce que voulait faire Kant, hein, justement, oui, parce qu'Emerson croit que l'intuition peut nous donner un accès direct au réel, alors que pour Kant, justement, il y a une chose, une partie du réel que nous ne connaîtrons jamais. Vous avez tout à fait raison de le rappeler, c'est-à-dire qu'ici, l'intuition intellectuelle est devenue possible, ce qu'elle n'était pas chez Kant. Mais ce qu'elle était, elle avait déjà été déclarée possible par le romantisme allemand. Et c'est en cela, peut-être, que Emerson aussi s'inspire du romantisme allemand. Alors, pour revenir justement à Emerson et au transcendantalisme, on voit bien que la nature, c'est l'expression donc de la création divine, mais c'est aussi le lieu privilégié, finalement, pour la conscience humaine, pour communier avec ces lois de la nature, pour s'en saisir, pour comprendre ce qu'elle est, comment fonctionne le macrocosme, ce qui est intemporel, universel. C'est pour ça qu'il dit, à un moment dans ce texte, tous nos égoïsmes, finalement, s'évanouissent au sein de la nature. Il va même plus loin parce qu'il trace un parallèle entre les lois de la nature et les lois morales. Comme si l'homme devait se conformer aux lois de la nature pour bien agir. Ça, c'est très surprenant. Oui, il y a une révélation naturelle, de fait, c'est le lieu de l'édification morale, et c'est même le lieu d'une certaine forme. Il n'y a aucune morale dans la nature. Alors, plutôt, c'est ce à quoi va procéder Sade, en retournant complètement la morale humaine. On dit, regardez, la nature tue, il y a des accidents, la mort est très fréquente, c'est la loi du plus fort. Eh bien, faisons la même chose dans la nature humaine, justement, et renversons la morale et rendons le crime anodin. Alors, ça peut être une lecture de ce qu'on trouve ou de ce qu'on observe au sein de la nature. Et par exemple, certains colons au XVIIe verront la nature comme cela, comme un lieu d'hostilité, un lieu avec lequel il faut précisément rompre, qu'il faut humaniser par les lois morales et politiques. Je pense que, précisément, ce que observe Emerson dans la nature n'est pas cela. Enfin, c'est bien pour ça qu'il parle de courant, d'énergie. Il arrive qu'on dise qu'Emerson s'inspire aussi de la pensée védique indienne, mais je crois que ça n'est pas faux, parce que il voit au sein de la nature ses fonctionnements, sa beauté, l'énergie qui traverse tous les êtres vivants. Donc, finalement, ce qu'il reconnaît au sein de la nature, c'est peut-être davantage un principe vital. Et en cela, ça peut constituer aussi peut-être un principe éthique, en ce que ça va reconnaître cela dans la nature, c'est aussi ce qui permet de s'édifier, de progresser, de croître, peut-être de se construire comme un sujet qui pourrait se perfectionner. Mais c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que chez Emerson, et la suite des textes qu'il écrira le dit encore davantage, c'est finalement l'homme qui le soucie, peut-être davantage que la nature. Oui. C'est pour ça, est-ce que vous le présentez comme un penseur écologiste, Emerson? Ou quelqu'un qui accorde de l'importance à la nature, mais sans forcément être dans un engagement écologiste? Alors, écologiste, un penseur écologiste, peut-être pas au sens où les éthiques environnementales feront valoir bien plus tard, c'est-à-dire au moment où au moment où on aurait pris conscience des dangers justement qu'on a infligés, ou en tout cas de la menace qu'on a fait peser sur la nature. Je pense qu'à ce moment-là, ça ne fait pas partie des considération d'Emerson. Même si vous disiez les actes des pionniers peuvent alarmer, oui, quant à la mais nature. Je pense que ça alarme davantage Thoreau, voilà, que Emerson. Thoreau qui est son disciple. Qui est son disciple, son jusqu'à élève. Un certain point. Puisqu'il y aura rupture entre eux à un certain moment. Mais pour Emerson, alors en quoi peut-il être malgré tout un penseur de l'écologie ? Parce alors, qu'il est cité par les penseurs contemporains de l'écologie, c'est pour ça que je pose cette question. Vous faites bien, mais ce que je veux dire c'est que c'est peut-être l'attention portée aux êtres vivants, à la nature, à ce qui est harmonieux, aux lois, au fonctionnement systémique, vous voyez comment tout ça se coordonne, agit ensemble. Cette pensée du grand tout, en cela, il y a quelque chose dont va s'inspirer l'écologie. Et peut-être que l'écologie, c'est d'abord étudier la nature. Alors, Emerson l'étudiera peut-être moins précisément que Thoreau aussi, qui sera peut-être plus savant qu'Emerson. Mais ça tient aussi au fait qu'Emerson se méfie d'une certaine manière de la science, d'une science trop au modèle peut-être trop mécaniste, trop progressiste. C'est-à-dire c'est bien pour ça que s'il y a écologie chez Emerson, ça se joue au sein d'une écriture poétique, d'une philosophie qui ne cherche pas forcément à s'en distinguer. Il suffit d'écouter le passage qu'on vient d'entendre, ça parle toujours de contemplation. Je ne peux contempler ma nature qu'au sein de cette nature. Me retrouver en tant qu'homme et m'édifier en tant qu'homme qu'au sein de cette nature. Et rappelons que le grand sceptique qu'était Emerson avait sans doute besoin de ce rapport fusionnel à la nature comme pour venir compenser une forme de béance qu'il va décrire plus tard entre lui et le monde, cette impossibilité de faire une expérience. C'est en cela qu'il est vraiment philosophe, qu'il nomme ce scepticisme-là. Oui. C'est un grand lecteur de Montaigne. Son élève, qu'il sera bien plus que son élève, Thoreau, lui, va prendre ses distances avec son maître qui, Emerson est beaucoup du côté de la théorie, vous l'avez dit, de la contemplation. Mmh. Thoreau veut vivre, agir, il veut sucer la moelle de la vie, c'est les termes qu'il emploie. Et c'est celui qui va aller vivre dans une maison construite de ses propres mains, dans un bois près d'un lac, Walden. Mmh. Ça donnera le journal que l'on connaît aujourd'hui, qui a connu à peu près 7 versions d'écriture. Donc c'est vraiment un texte qui avait pour vocation d'être lu. Écoutez comment lui-même, Thoreau, décrit son rapport à la nature. On est ici à la fois dans une nature avec laquelle il y a une harmonie à créer, mais vous verrez à quel point celle-ci semble désacralisée par rapport à Emerson. Et il y a vraiment une dimension empirique, pratique, directe entre l'homme et la nature. Jacques Gamblin interprète ce texte. Voilà bien une soirée délicieuse, quand le corps tout entier n'est plus qu'un sens et absorbe le plaisir par tous les pores de la peau. Je vais et viens avec une étrange liberté dans la nature. Je me fonds en elle. Lorsque je longe la rive pierreuse du lac, en bras de chemise, malgré le temps frais, nuageux et venteux, sans rien remarquer de particulier qui soit digne d'attirer mon attention, je me sens étrangement à l'unisson de tous les éléments. Les grenouilles taureaux trompettent pour annoncer la tombée de la nuit, et les bourrasques m'apportent de l'autre rive la voix de l'engoulevent. L'élan de sympathie qui me pousse vers les feuilles frémissantes de l'aulne et du peuplier me coupe presque le souffle. Pourtant, comme le plan d'eau du lac, ma sérénité se ride sans vraiment se troubler. Ces vaguelettes soulevées par le vent du soir sont aussi éloignées de la tempête que la surface lisse semblable à un miroir. Bien qu'il fasse maintenant nuit, le vent souffle et rugit toujours dans le bois, les vagues se brisent et quelques créatures bercent les autres de leurs chants. Le calme n'est jamais complet. Les plus sauvages parmi les animaux, loin de se reposer, cherchent maintenant leur proie. Le renard, le putois et le lapin rôdent à travers champs et bois sans peur. Ce sont les veilleurs de la nature, les liens qui relient les jours de la vie animée. Le calme n'est jamais complet. Voici comment, en quelques mots, en une phrase, Thoreau brise le mythe de la nature que l'on oppose à la culture. Et la nature serait cet endroit où vraiment le silence se fait, on viendrait se reposer du capharnaüm humain. Non, le calme n'est jamais complet, et encore moins dans la nature, nous dit Thoreau en Delsuet. Oui, c'est loin d'être désertique, en fait. Enfin, cette nature, elle est sonore, elle est olfactive, on l'entend, enfin, Et pas seulement la nuit aussi, dans son texte, ce sont aussi bien des expériences diurnes que nocturnes qui sont relatées. C'est-à-dire, finalement, tout est là pour mettre nos sens en éveil. Et d'ailleurs, c'est ce que traduit l'écriture de Walden. Il a construit cette cabane, il y vit pendant 2 ans et 2 mois. Le terrain lui a été prêté par Emerson. Et ça répond à une volonté de Thoreau de retrouver l'humidité de l'air. C'est-à-dire de faire une expérience, pas seulement physique mais corporelle, finalement, de cette nature. On voit que chez Thoreau, justement, alors chez Emerson, il y avait un appel à vivre au sein de la nature, mais peut-être que lui restait finalement devant ses livres, ses livres, même si il dit bien souvent que c'est la nature qu'il faut lire et que la nature fait texte. Chez Thoreau, c'est un engagement qui est physique et corporel et on va y vivre. Donc, on l'observe comme ça pendant 2 ans et 2 mois. Ça sera aussi relaté dans le journal qu'il tiendra. Et il collecte, il ramasse, il observe, il s'allonge dans les herbes. Il tente pratiquement un devenir loutre, un devenir ragondin. Il s'identifie, enfin il est dans des logiques d'identification. Il est pas simplement dans une analogie textuel comme chez Emerson, lui il expérimente, il essaie de faire en sorte que par son corps, par ses impressions sensorielles, quelque chose puisse advenir, être pensé, être compris. Il est très important de comprendre que chez lui, nature et culture ne s'opposent pas frontalement. Lorsqu'il a ce projet de construire cette maison dans les bois, il est à 2 kilomètres du village le plus proche, Concorde. Il décrit le chemin de fer qui passe près de lui avec autant de poésie que lorsqu'il décrit le lac. Il n'est pas dans un rejet total de la civilisation. Même si c'est un acte subversif, il est bien loin du manichéisme qu'on lui prête aujourd'hui. Oui, on le voit justement dans ce film Into the Wild. Le personnage lit Thoreau Emerson. Et va vivre seul dans les bois jusqu'à en périr. C'est justement un gros malentendu autour de ce qu'on appelle la wilderness. Et c'est pas ce que prône Thoreau. Ça n'est pas du tout ce que prône Thoreau. La preuve en est, c'est que quand il est dans son cabanon, il dit lui-même que il lui arrive de revenir ponctuellement au village de Concorde. Il dit et il signale dans son écriture à quel point il entend également le train, donc la présence technique, la présence des hommes, de la société des hommes. Et il y a un passage dans Walden où il est question des visites. Et précisément, il dit qu'il a 3 chaises, une pour la solitude, une autre pour l'amitié et la 3e pour la société. Donc c'est dire à quel point ce n'est pas un principe de forclusion. Il ne s'agit pas de chasser justement et d'opposer nature et culture. Il n'est pas rousseauiste en fait, on peut le dire comme non, ça. Pas complètement rousseauiste. Il ne souhaite pas vivre complètement seul dans les bois, puisque vous le dites, il accorde de l'importance à la société. Oui, et c'est même plutôt son expérience au sein de la nature, c'est aussi l'occasion d'une construction de soi-même, de l'expérience de la pauvreté ou de ce qui est rudimentaire, c'est-à-dire comment pourrait-on faire pour vivre avec moins tout en ayant une vie beaucoup plus riche. C'est-à-dire que c'est une subversivité vis-à-vis d'une société qu'il pense de plus en plus matérialiste, une société capitaliste et matérialiste avec laquelle il entre en désaccord. Et donc il veut faire cette expérience de vivre mieux avec beaucoup moins. Et en engageant encore une fois son corps, puisque il dit lui-même qu'il a appris beaucoup plus en sarclant des haricots que en lisant des livres. Bon, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est absolument vrai. Mais il peut dire ça parce qu'il a passé toute sa vie à lire des Exactement. Livres. Exactement, il peut désormais le dire, mais en tout cas, c'est-à-dire que au sein de la nature, il procède à une transformation de lui-même. On ne va pas sarcler des haricots ici, on va continuer à lire et à entendre des textes. On va voir une application pratique de ces deux textes que l'on vient d'entendre, Anne Dalsu, entre Emerson et Thoreau. qui l'un et l'autre prônent un certain rapport harmonieux à la nature, une identification, voire une harmonie ou une unité avec cette nature, il faut bien comprendre, et c'est pour ça qu'on insiste autant sur ces textes-là, qu'ils vont avoir une influence directe, non seulement sur les penseurs dits environnementaux, écologistes, contemporains, mais même politiquement dans les États-Unis de la deuxième moitié du 19e siècle, va être mise en œuvre une politique de la préservation de la nature avec la mise en place de parcs naturels qui existent encore aujourd'hui, que ce soit le Yosemite, Yellowstone, etc. Voici, je vous propose d'écouter une espèce de flash sur le passé dans une émission de radio de 1964 qui remonte aux années 1890 et décrit ce qui se passe à ce moment-là. Une immense vallée à l'est de la Californie. Un paysage merveilleux à quelques 240 km de San Francisco, au cœur de la Sierra Nevada. En 1864, le gouvernement fédéral cède ce territoire à la Californie. Et le 22 octobre 1890, il est déclaré parc national du Yosemite. Il attire chaque année 65 millions de visiteurs. C'est une immense réserve naturelle. Les alpinistes s'attaquent à ces flèches de cathédrale de plus de 3000 mètres de haut. En 1938, Roosevelt visite ce parc couvrant 304 000 hectares sillonnés de 1200 km de pistes. Lacs et cascades innombrables et magnifiques, prairies lisses et éclatantes, nobles forêts, sommets de granit, gorges profondes taillées par le temps et montagnes enneigées à la recherche du ciel. L'idée même de réserve naturelle, Anne Dalsuet, a quelque chose à l'époque de résolument moderne et de très clair par rapport à la conception que l'on se fait à cette époque de la nature. On a commencé l'émission avec cette idée de wilderness. Mm-hmm. Bon, on est obligé de tamponner le terme anglais, je sais pas comment on appelle ça, l'idée de nature sauvage. Mm-hmm. Voilà. Et là, on est en train d'assister avec les différents textes qu'on a entendus et cet extrait-là à la construction de ce qu'on appelle la wilderness aujourd'hui, qui en fait implique une préservation. C'est bien là le paradoxe. Oui, c'est-à-dire que il y a un véritable enjeu identitaire pour les Américains. Ils pourront dire nous n'avons peut-être pas de musée, mais ce qui constitue temple et musée pour nous, c'est cette nature grandiose, parfois dite sublime, parfois dite merveilleuse, et il va falloir la protéger, bien évidemment. Déjà, on peut rappeler que au moment même où il y avait eu toute cette conquête de l'Ouest, il y avait une volonté déjà de peindre cette nature, de la représenter. Il y a eu une école justement de peintres, l'Hudson River School, implanté à ce moment-là, au début du 19e siècle, et qui va donner de nombreux peintres comme ça qui vont se plaire à la représenter comme grandiose, c'est-à-dire une nature malgré tout très différente de la nature européenne, qui a été domestiquée d'une certaine manière, civilisée depuis bien plus longtemps. Alors, ils vont la représenter grandiose. Et ils vont la représenter aussi, parfois, alors ça se voit chez quelqu'un comme Thomas Cole, comme étant aussi déjà un peu menacée par une présence d'arbres coupés dans la toile. Il va y avoir aussi des peintres qui vont tenter de montrer comment elle impose un regard originaire, c'est-à-dire par une lumière un peu rose, une lumière d'aurore. Et donc, on voit bien qu'il y a un enjeu identitaire, c'est-à-dire que c'est le lieu dans lequel le peuple américain peut se reconnaître. La nature, cette wilderness, il s'y est construit nationalement, politiquement. Alors, bien sûr, il faut désormais peut-être protéger cette nature qu'on a aussi menacée par les efforts qu'on a mis en place pour pouvoir l'exploiter, pour pouvoir parcourir le pays. Alors c'est un engagement qui est assez fort, puisque il va y avoir la création de parcs nationaux, comme vous le dites, et le Yosemite. En 1872, Yellowstone en 85, les Adirondacks, et ensuite Yosemite en 80. Exactement. Alors la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire préserver, conserver cette nature? Est-ce qu'on doit la mettre comme la sanctuariser, s'imaginer qu'on peut la conserver en l'état comme si elle-même elle avait maintenu sa dimension originaire? Oui, c'est déjà l'anthropomorphisme, c'est préserver la nature telle que l'homme l'imagine. Exactement, donc là encore on est confronté à la question de la représentation de la nature. Ces peintres se sont plus à la représenter comme sacralisée, sacrée, et de ce fait-là, alors il faudrait, pour certains, la préserver exactement en l'état dans lequel on l'a trouvée, pour pouvoir la transmettre ainsi aux générations futures. Ça sera l'enjeu de John Muir, puisque c'est qui est John Muir? Alors John Muir, c'est au départ, qui est très connu aux États-Unis, qu'en France, on n'entend pas son nom. Oui, je pense qu'en France, il est assez peu connu. Quelques textes sont désormais traduits, comme un texte qu'il a écrit en 1914, si je me souviens bien, un été dans la Sierra. Donc c'est une fois de plus. On retrouve souvent ce profil-là, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour les eaux et forêts. Donc qui travaille au sein de cette nature, et puis qui va énormément l'arpenter, qui va énormément peut-être la pérambuler, comme disent les Anglais. Mais il devient berger dans la vallée de Yosemite. Ouais. Exactement. Et de ce fait-là, il va quitter un mode de vie auquel il était prédestiné et prendre conscience de la richesse et des dangers que l'exploitation humaine fait encourir à cette nature. Et donc lui va plutôt prodiguer une préservation qui relève peut-être de la sanctuarisation. Mais il va connaître un détracteur, un adversaire. Il va connaître un détracteur et un adversaire, puisque à un moment, alors même qu'il travaille avec un dénommé Pinchot, qui est aussi un ingénieur, mais qui n'est peut-être pas forcément devenu berger, lui pour le coup, autour d'une querelle de l'eau, c'est-à-dire la question qui se pose, c'est il faut faire en sorte que San Francisco, il faut construire un barrage pour que San Francisco ait suffisamment d'eau. Il va s'y opposer en disant que c'est... Donc justement, on doit préserver impérativement une des parties du parc de Yosemite. Et à cela, Pinchot va s'opposer en disant qu'on doit défendre une autre forme. On doit proposer une autre forme de défense de la nature. Il y a une utilisation raisonnable de la nature, dit-il. Une utilisation raisonnable qui donc répond quand même aux intérêts matérialistes et économiques. Qui sont visés par les hommes à ce moment-là. C'est vraiment le début d'une réflexion sur une forme d'éthique écologique. Mmh. On peut prononcer ce terme, qui sera ressaisi et affirmé, assumé par un homme qui, cette fois-ci, est beaucoup plus connu en France que Muir et Pinchot, même s'ils ont été décisifs pour la pensée de Aldo Leopold, qui est l'auteur d'un almanach d'un comté des sables, qui est un texte absolument magnifique, qui est paru en 1949 après la mort de son auteur, qui prône vraiment une éthique écologique. Écoutons un extrait, écoutez le changement de plume depuis Emerson jusqu'à Thoreau, jusqu'ici à Leopold, et la notion d'engagement qui a des résonances beaucoup plus contemporaines et beaucoup plus politiques. Écoutez-le. Toutes les éthiques élaborées jusqu'ici reposent sur un seul présupposé, que l'individu est membre d'une communauté de parties interdépendantes. Son instinct le pousse à concourir pour prendre sa place dans cette communauté, mais son éthique le pousse aussi à coopérer, peut-être afin qu'il y ait une place en vue de laquelle concourir. L'éthique de la Terre élargit simplement les frontières de la communauté de manière à y inclure le sol, l'eau, les plantes et les animaux, ou, collectivement, la terre. Cela paraît simple. Ne chantons-nous pas déjà l'amour et les devoirs qui nous lient à notre sol patriotique, terre de liberté? Oui, mais qui et quoi au juste aimons-nous? Certainement pas le sol, que nous envoyons à volo au fil des fleuves. Certainement pas ces fleuves eux-mêmes dont nous pensons qu'ils n'ont d'autre fonction que de faire tourner nos turbines, porter nos péniches et charrier nos déchets. Certainement pas les plantes que nous exterminons sans ciller par communautés entières. Certainement pas les animaux dont nous avons déjà exterminé bien des espèces parmi les plus grandes et les plus belles. Une éthique de la terre ne saurait bien entendu prévenir l'altération ni l'exploitation de ses ressources, mais elle affirme leur droit à continuer d'exister, et par endroit du moins, à continuer d'exister dans un état naturel. En bref, une éthique de la terre fait passer l'homo sapiens du rôle de conquérant de la communauté terre à celui de membre et citoyen parmi d'autres de cette communauté. Elle implique le respect des autres membres et aussi le respect de la communauté en tant que telle. Une éthique de la terre, le mot est lancé, Anne Dalsuet. Là, on passe de l'autre côté, si j'ose dire, du côté combat écologiste tel que nous le connaissons aujourd'hui. Aldo Léopold le dit très clairement, ce qu'il faut faire, c'est élargir l'idée que nous nous faisons de la communauté humaine à la planète elle-même. C'est-à-dire que la communauté n'est pas composée uniquement d'êtres humains. Et ça, c'est la première fois qu'on affirme quelque chose de cet ordre-là. Alors, ce qui s'était déjà produit avec Muir, c'était la critique de l'anthropocentrisme. C'était donc l'idée que toutes les valeurs sont instaurées à partir de l'intérêt humain. C'est-à-dire, donc c'est déjà ce premier geste qui est produit par Muir. Ce qui change avec Aldo Léopold, c'est que, on l'a entendu dans le texte qui vient d'être lu, c'est qu'on n'est pas dans une sanctuarisation de la nature. On reconnaît que cette communauté, enfin cette communauté de vivants, elle est aussi évolutive. Et c'est aussi ça qui est très intéressant, c'est de comprendre que la nature est absolument historique. Contrairement à ce que disait Hegel, ça change, ça se modifie, et peut-être pas simplement par l'intervention humaine, mais aussi et surtout par l'intervention humaine. Et donc, dans cette lande éthique qui est proposée par Léopold, c'est justement ce qui est mis en avant, c'est cet angle nouveau. C'est qu'il va falloir désormais penser en élargissant le point de vue et la multiplicité des intérêts, essayer de coordonner les différents intérêts. Avec aussi. Cette idée assez folle, moins aujourd'hui mais à l'époque oui, qui est l'idée d'un droit. C'est comme si la nature, dit-il, la nature affirme leur droit à continuer d'exister. Oui, c'est pour ça qu'on parle, désormais on parle véritablement d'une éthique. Alors cette éthique, si vous voulez, comme il y a eu déjà des démarches juridiques pour préserver les parcs, les réserves nationales, de fait ça c'est donc l'espace du droit, l'espace juridique, mais ça veut dire qu'on reconnaît déjà qu'il existe des entités auxquelles il faut accorder d'une certaine manière une attention juridique. Alors après, ça va être approfondi peut-être par ce mouvement des éthiques environnementales, c'est que si on leur accorde un droit au sens juridique, c'est peut-être aussi et surtout parce que ces vivants ont droit éthiquement justement à être reconnus en tant que vivants. La nature est-elle un sujet de droit? Ce sera le sujet de l'émission jeudi prochain, parce que certains philosophes contemporains, dont Michel Serres, revendiquent l'idée d'un sujet de droit pour la nature. Alors, est-ce que ça veut dire qu'un arbre pourrait plaider devant un tribunal? C'est tout le type de questions qui en découle. En tout cas, avec ce texte d'Aldo Léopold, s'ouvre une nouvelle voie. Aldo Léopold lui-même était un lecteur d'Emerson et de Thoreau. Vous avez retracé la généalogie de ce qui a précédé ce texte. Qu'est-ce qui suivra? Quel impact direct théorique et pratique est-ce que ce texte aura sur la postérité de Léopold? Alors, Aldo Léopold, peut-être que ce qui est... lui travaille au service forestier américain, donc pendant à peu près une vingtaine d'années, donc il va vraiment peut-être faire en sorte que soit accéléré des mesures juridiques, mais aussi qu'il y ait une conscience éthique qui naissent au sein de certains Américains lettrés, tout de même, enfin, puisque quand on va près des... Enfin, ce que raconte justement Catherine Larère dans son texte Les philosophies environnementales, c'est que quand on se rend près des parcs, que ce soit Yosemite ou Yellowstone, il n'est pas rare de trouver près de la Bible, justement, l'almanach du comté des Sables. Donc ça veut bien dire que quelque chose, ça a eu une résonance très importante. Après, ça a eu aussi un effet sur les penseurs, puisqu'il nous apprend à penser, comme il dit, comme une montagne. Penser comme une montagne. Donc ça veut dire qu'on va devoir dépasser certains dualismes, hein, nature, culture, sujet humain, sujet vivant. Et désormais, ce qu'il nous invite à faire, c'est précisément à avoir une collaboration, une diplomatie avec ces vivants. Et ça, je crois que c'est très important et c'est ce qui est reconduit désormais. Penser comme une montagne, lire l'almanach d'un comté des sables et votre livre Anne Dalsuet, Philosophie, écologie, le programme est lancé. Merci beaucoup Anne Dalsuet d'être venue nous parler aujourd'hui de philosophie et d'écologie. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Je renvoie à la lecture de votre ouvrage, je le cite à nouveau, Philosophie et écologie aux éditions Gallimard. J'ai cité Almanach d'un comté des Sables d'Aldo Léopold, c'était en Garnier Flammarion, et puis Nature, la nature de Ralph Waldo Emerson, vous la trouverez notamment aux éditions Alia. France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps d'accueillir Frédéric Worms et sa chronique philosophique quotidienne, le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il lire L'enracinement de Simone Veil ? L'Enracinement est un livre au titre frappant qui a marqué des générations de lecteurs depuis sa publication après la guerre, après la mort de son auteur, Simone Veil, morte en 1943 en Angleterre. Un livre, L'Enracinement, sous-titré aussi Prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Un livre, L'Enracinement, publié donc de manière posthume par Albert Camus dans sa collection chez Gallimard intitulée L'Espoir après la guerre, alors que donc son autrice, Simone Veil, était morte en 1943 en Angleterre. Pourquoi ce livre fascine-t-il autant? Pourquoi est-il si important jusqu'à aujourd'hui, où la notion d'enracinement se trouve prise dans les débats les plus politiques du moment présent, certains voulant retrouver dans l'enracinement de Simone Veil une sorte de philosophie de l'appartenance, opposant les uns aux autres, faisant de l'enracinement dans une culture contre les autres une sorte de principe premier et politique par opposition aux droits et aux devoirs universels, Simone Veil ayant en effet critiqué les droits de l'homme comme allant trop loin dans la déclaration des libertés individuelles et subjectives, mais les ayant quand même pas annulés, puisque non seulement elle les complète, elle aussi, par les devoirs envers l'être humain, mais par une déclaration des devoirs envers l'être humain qui culmine en effet dans cette notion d'enracinement dont il faut donc redire un mot. La particularité de Simone Veil dans sa déclaration des devoirs envers l'être humain, c'est de montrer que la forme, le principe, l'origine des devoirs absolus envers l'être humain qui font que l'être humain doit être pensé comme en rapport avec le bien et la nécessité qui débordent de ce monde, qui sont le surnaturel, la forme pourtant d'accès pour nous à cette obligation première, à ce désir du bien qui s'impose à nous, c'est la forme de nos besoins terrestres, des besoins terrestres de l'âme et du corps. Elle écrit par exemple « Il existe pour le respect ressenti envers l'être humain une seule possibilité d'expression indirecte qui est fournie par les besoins des hommes en ce monde-ci, les besoins terrestres de l'âme et du corps. Il faut donc penser tous les devoirs sur le modèle du devoir de nourrir l'être humain quand il a faim ou de l'héberger quand il a froid, de l'empêcher de mourir. Tel est d'abord ce premier enracinement à la fois dans la terre et dans le ciel. Mais il y a quelque chose de plus compliqué encore, qui est que les besoins de l'âme et du corps, selon Simone Veil, sont contradictoires. Nous avons besoin à la fois de liberté et d'égalité, à la fois de liberté et d'ordre, à la fois de besoins contradictoires qui vont donc tous se concilier dans quelque chose de très important qui est la collectivité humaine. Et là aussi, il y a un miroir du besoin absolu de justice et du besoin concret d'une collectivité comme du champ de blé ou d'une histoire concrète d'un pays déterminé. Mais l'enracinement, c'est d'abord cet enracinement dans le ciel. Nous avons besoin d'une patrie parce que nous avons besoin de justice. Et non pas l'inverse, parce que ses besoins et ses obligations doivent être fournis et respectés pour tout le monde, et non pas pour les uns contre les autres. Et on ne peut pas séparer l'enracinement de son introduction, cet extraordinaire prélude à une déclaration des devoirs envers l'être humain. Merci beaucoup Frédéric Worms. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site de France Culture ou bien à télécharger, à podcaster à la page « Le pourquoi du comment ». Un grand merci à Marie Simon qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Sharon Houry, Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie. Clément Nouguier était à la réalisation aujourd'hui, Clément Daté à la prise de son. Si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez la réécouter en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez avec les personnes de votre choix. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook et Instagram où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h donc, mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.